Bonjour, voici le 59e épisode du podcast des Nous. Le podcast des Nous, un podcast qui vous caresse le tympan. Vous venez d'entendre la musique Good for Nothing Safety, créé par Twin Musicom, dont vous pourrez découvrir les créations au twinmusicom.org. Vous pouvez nous suivre au le podcast des nous, en un mot, .blogspot.ca. Vous pouvez aussi rejoindre nos médias sociaux au forum, en un seul mot, le podcast des nous, .probb.fr. Vous pouvez aussi nous rejoindre par courriel avec, en un seul mot, le podcast des nous, @hotmail.com. Voici maintenant la chronique culturelle, parce que nous autres, on est culturés, man. C'est le temps de se payer une bonne tranche de rigolade, car cette semaine, nous parlerons de Urusei Yatsura, l'incontournable adaptation animée du fameux manga de Rumiko Takahashi, titre classique pouvant représenter l'animation japonaise de la première moitié des années 80. Ceux qui ont fréquenté le forum Bressenturming ou vu mes vidéos YouTube auront l'impression que je me répète, mais ce n'est pas tout à fait le cas. Je parlais pas mal juste des films, ici je veux vraiment parler de la série. Je me suis refait la totalité de la série animée récemment. Bon, récemment est un grand mot, il est difficile de regarder récemment une série de 195 épisodes, plus un spécial, plus 12 épisodes, plus la vidéo, plus 6 films. Je ne parlerai pas du manga. Avant de voir une première fois la série animée, j'ai essayé de lire le manga, dans l'intention de ne voir que les films, mais j'ai assez vite arrêté. J'ai beaucoup de difficultés avec les mangas de Rumiko Takahashi, malgré son talent évident. Après tout, j'adore les animés de Urusei Yatsura et Ranma 1/2, Maison et Koku aussi, et Inuyasha est pas mal du tout. Je présume que plusieurs d'entre vous connaissent déjà Rumiko Takahashi. Pour les autres, elle est l'auteur des très populaires mangas Urusei Yatsura, connu aussi en tant que Lamu, Maison et Koku, ou Juliette, je t'aime. Désolé, le titre de la version française me fait trop rire. Ranma 1/2 et Inuyasha, ainsi que des moins connus, One Pound Gospel, Sa Saga des Sirènes, et ses one-shots, généralement qualifiés de Rumik Theater, ou depuis Kyokai no Rine et sa série actuelle Mao. Je n'ai personnellement qu'assez peu lu ces mangas, mais pas mal vu leur adaptation. J'ai quand même lu pas mal de Ranma 1/2. Ils ont bien des qualités, mais aussi des défauts qui ne sont pas tous présents dans les animés. Rumiko a un certain don pour trouver des personnages et situations cocasses, mais le tout est assez répétitif au sein d'une seule série, mais aussi d'une série à l'autre. Vu la quantité d'épisodes, manga qu'elle fournit d'un rythme effréné, il est bien évident aussi que le tout est assez inégal. Et puis le design de ces personnages est sympathique, leur dessin est souvent un peu trop simpliste. Sans doute pour permettre aux assistants d'aider facilement et de fournir les chapitres dans les temps. Mais ce n'est pas vraiment une raison. Avec les couleurs, l'animation, bien que souvent limitée, et le son, les animés de Rumiko bénéficiant d'un excellent casting en version originale, tout cela fait passer beaucoup mieux. J'ajouterais que le découpage des pages du manga est franchement pas terrible, défaut qui n'affecte bien sûr pas les animés, ceux-ci relevant d'un médium différent. Après avoir gagné un concours organisé par la revue hebdomadaire Shonen Sunday, Rumiko va commencer sa première série, Urusei Yatsura, au début avec un rythme irrégulier, mais avec le succès et l'aide d'assistants, elle pourra fournir un épisode toutes les semaines et poursuivre de manière quasiment ininterrompue avec Ranma 1/2, Inuyasha, Kyokai no Rine et Mao actuellement. Urusei Yatsura est une comédie fantasiste qui relate les aventures d'un tas de personnages, principalement des lycéens. En premier lieu, Ataru, un malchanceux crétin coureur de jupons, et Lum, une jolie extraterrestre amoureuse de ce dernier, mais terriblement jalouse, qui lui lance donc continuellement des chocs électriques. Elle possède aussi le pouvoir de voler dans les airs, pas de l'argent. L'histoire vaguement science-fiction est clairement un prétexte pour les innombrables situations invraisemblables ou fantaisistes que vont vivre l'incroyable galerie de personnages. En fait, les extraterrestres sont des allusions pas du tout déguisées aux contes, légendes et croyances traditionnelles du Japon. Le manga est en fait une suite d'historiettes humoristiques en un épisode avec de très rares histoires plus longues. L'anime a débuté son adaptation de manière étonnamment fidèle et rapide en proposant deux histoires par épisode. Après une vingtaine d'épisodes environ, le réalisateur principal débutant de la série, Mamoru Oshii, va prendre un peu plus les rênes de la série. On se met à faire une histoire par épisode, mais au lieu de faire du remplissage et de ralentir l'intrigue, j'ai l'impression qu'on approfondit les personnages, les situations, l'univers et les sentiments. L'équipe ajoute sa propre touche avec divers éléments, notamment les fans de Lum, qui deviennent de véritables personnages, ou bien la présence de tanks et autres allusions militaires que Mamoru Oshii semble affectionner. La série étant très longue, une suite d'épisodes indépendants et assez inégales, j'ai l'intention de présenter ici mes épisodes préférés et ceux qui me semblent les plus importants pour introduire des personnages, des situations particulières ou certains running gags. Mais cela ne signifie pas que le reste des épisodes est mauvais. Je n'ai pas le monopole du bon goût. Bien des épisodes sont sympathiques, juste pas hilarants. Pas mal d'épisodes jouent sur la répétition de certaines situations, simplement pas toujours de manière aussi réussie. Certains épisodes reposent beaucoup sur l'instauration d'une atmosphère particulière qu'il faut être dans le bon mood pour apprécier. Et aussi, il y a certains épisodes où on essaie un peu trop directement de jouer divers éléments du folklore japonais un peu dur d'appréhender de la part d'un étranger. Des épisodes où les personnages réinterprètent à leur sauce des contes, légendes et croyances religieuses que l'on ne connaît peut-être pas nécessairement tant que ça en Occident. Commençons par le commencement avec l'épisode 1, I'm Lum, de Notorious It's Raining Oil in Our Town. Le premier épisode introduit tout le sujet principal de la série, la relation entre Ataru et Lum. La première partie de l'épisode est la véritable introduction, absolument incontournable. En plus d'Ataru et Lum, on introduit aussi les parents d'Ataru, qui se fichent pas mal de lui, qu'ils considèrent comme un malheur. Le père de Lum, un extraterrestre qui semble menaçant comme un démon ou ogre de la mythologie japonaise, un oni, Shinobu Miyake, ami d'enfance et camarade de classe d'Ataru, que celui-ci tente de courtiser, et Sherry, un vieillard supposément moine qui surgit toujours de nulle part, son visage moche devenant un running gag, ainsi que sa principale préoccupation, c'est-à-dire manger. La deuxième partie introduit aussi la légion de fans de Lum qui, dans l'anime, contrairement au manga, deviennent de vrais personnages, surtout Megane, le leader à lunettes de ce groupe de collègues d'étudiants d'Ataru. L'épisode 2, Mail from Space, Ten Arrives, Swallow and Mr. Penguin, My English is very bad. La première partie introduit Jariten, le cousin bébé de Lum, cracheur de feu, aimant bien les jeunes filles, en profitant du fait qu'il soit cute, bien que ça me semble tout de même un peu plus innocent que l'intérêt d'Ataru envers les demoiselles dont le seul rêve est d'avoir un harem. Bien évidemment, Ten et Ataru sont des antagonistes. Si le premier épisode introduit la situation autour de laquelle tourne la série, la deuxième partie de cet épisode l'impose. L'épisode 3 de Coming of Raid, Handsome Shapechanger, Dial Lady Killer. L'épisode introduit Ray, l'ex-petite amie de Loom, un jeune homme joli mais glouton, ne pensant pas à grand-chose d'autre que manger, et qui se transforme en monstre. L'épisode 5 de Mysterious Seductive Beauty Sakura, Tormenting Virus. Cet épisode introduit Sakura, une jolie femme exorciste qui va devenir l'infirmière de l'école, et un futur running gag de la série est qu'elle attire les esprits. Elle a aussi surtout pas mal le même appétit que Sherry. L'épisode 8, Neptune Beyond the Closet, The Confusing Dinosaur Age. La première partie de l'épisode introduit Oyuki, une amie alien de Loom, reine glacée de Neptune. L'épisode 9, Sleeping Beauty Princesse Kurama, Athletic Woman L. L'épisode introduit Kurama, la princesse des Kurazu Tengu, une créature mythologique japonaise qui, dans cette série, ont une apparence de corbeau, à l'exception de leur princesse qui semble une jolie jeune femme. Une erreur des Kurazu Tengu fera que Ataru doit devenir pour leur race le fiancé de la princesse qui souhaite donc le réformer. L'épisode 10, Peter Potter Christmas Eve. Un spécial Noël particulièrement réussi. L'épisode 14, Mendo Arrives with Trouble, Constellation Go Round. On introduit le riche et beau Shutaro Mendo, bien que tout aussi obsédé qu'Ataru, même s'il le cache généralement mieux, qui semble intéresser Shinobu. L'épisode 15, Great Setsubun War, The Benten Corps Return. On introduit Benten, une autre amie extraterrestre de Loom, plutôt garçon manqué, sur sa moto volante, mais cela n'atténue bien sûr pas l'intérêt d'Ataru. L'épisode 18, Girls' Day, Ranchan's Arrival, Ranchan's Introduction. On introduit Ran, amie d'enfance de Loom, qui maintenant lui en veut beaucoup et lui reproche toutes les petites choses du passé. Sa rancœur n'est pas tout à fait sans raison. Elle aime Ray, l'ex de Loom, mais elle passe toujours beaucoup de temps à ressasser toutes les petites choses du passé, running gag qui va devenir assez gonflant sur le long terme, mais qui est appréciable à ce moment. Son objectif, surtout dans ses premières apparitions de la série, est d'aspirer l'énergie vitale d'Ataru en l'embrassant, un épisode bien amusant pour la moyenne de l'époque. Éventuellement, tout en continuant d'utiliser la liste des rancœurs de jeunesse, la série va se mettre aussi à utiliser sa relation avec Ray, pour lequel elle prépare à manger, sa volonté de vengeance envers tout le monde et pas juste ses tentatives envers Ataru et ses personnalités. Mais pour le moment, on en reste au point de départ. L'épisode 21, Duel Ataru vs Ataru, Waking to a Nightmare. Cet épisode assez amusant introduit quelques gags et situations récurrentes de la série. La première partie sur des désagréments culinaires et la deuxième sur des cauchemars dont il sera question à nouveau plus tard. Tout est très subtil. Il y a eu le spécial Urusei Yatsura All-Star Bash, Grade School Excursion, Run for It. Le début de cet épisode spécial est un montage d'extraits pour résumer la série et ensuite on introduit une femme ninja qui a des problèmes avec ses maîtres. Je ne me souviens plus si celle-ci revient par la suite, mais c'est assez amusant et il y a un personnage à l'intrigue très similaire dans Ranma 1/2. L'épisode 22, The Great Space Marriage Plan, une intrigue classique avec un prince qui enlève Loom, qu'Ataru et d'autres doivent sauver, quand en fait, le prince est amoureux d'une autre personne. L'épisode 23, The Spring Blossom Picnic, le dernier épisode avec deux parties dans lesquelles on découvre un nouveau running gag autour de Mando. L'épisode 29, From Speechless with Love, Ten et Ataru sont en opposition, les deux étant amoureux d'une jeune fleuriste. L'intrigue va dégénérer de manière hilarante. L'épisode 31, Give Me Back My Horn, Ten perd ses cornes et en même temps ses pouvoirs. Ataru va bien sûr en profiter. L'épisode 33, Teacher Anna Was Arrival, Such Is Youth. Un nouveau professeur arrive et Loom commence la vie d'étudiante. L'épisode 35, Darlings Had It This Time. Un épisode qui essaie d'exploiter un peu plus le personnage de Ran. L'épisode 36, Ray's Return, Quizzes in the Classroom. Ray vient à l'école et on introduit Hansen Mark, le principal enseignant de la série. L'épisode 38, Steel Darling, The Copy Operation. Nouvel affrontement entre Loom et Ran qui va voir cloner et recloner Ataru. L'épisode 39, Peter Patter Summer Date. Incroyable! Loom et Ataru sortent ensemble. Bon, il est un peu obligé parce qu'elle a en main son carnet d'adresses, mais elle agit comme une humaine et c'est tout à fait mignon. L'épisode 44, After You've Gone, un épisode charmant où Ataru va croire que Loom est parti alors qu'elle ne s'est qu'absentée temporairement. L'épisode 46, Lunch is a Battlefield, épisode hilarant où l'école interdit aux étudiants de quitter l'école pour manger à l'extérieur, ce qui aboutit bien sûr en véritable guerre. L'épisode 50, The Mando Siblings, introduction de la bien amusante sœur de Mando, dont le principal plaisir dans la vie est de piéger les gens, notamment son frère. L'épisode 51, There's a Cat on the Stairs. L'introduction du chef fantôme géant amateur de Kotatsu, un genre de petite table chauffante traditionnelle au jambon, habituellement de nos jours électriques. Sorti entre les épisodes 58 et 59, le premier film d'Urusei Yatsura, Only You, aurait dû être fait par un autre réalisateur, mais celui-ci s'est désisté, et ce film devint ainsi le premier film de Mamoru Oshii. Il peut offrir une excellente introduction au monde d'Urusei Yatsura. En fait, il le fit, puisque paraît-il que c'est suite à celui-ci que la popularité de la licence acquit réellement sa taille. Nous y suivons une histoire comique assez simple tout en proposant du space opéra à grand spectacle, quelque chose d'épique. Une mystérieuse elle annonce à tout le monde qu'elle va se marier avec Ataru, qu'ils sont fiancés depuis 11 ans, alors que lui-même l'ignore, ce qui provoque la colère de Loom, surtout que celle-ci semble vouloir se laisser faire, après avoir entendu comment elle serait belle. Notre belle alien va donc s'efforcer d'aller chercher son chéri, tandis que tous les personnages réguliers de la série seront embarqués dans l'aventure. Bien que le film fait intervenir une tonne de personnages, ceux que l'on fait plus qu'entrevoir sont très suffisamment présentés pour apprécier le film. Donc il n'est pas nécessaire de connaître déjà la licence, bien que ça ne puisse pas faire de mal pour certains gags. Il me semble que ce film fait preuve par moments de l'inexpérience du réalisateur qui, lors de quelques scènes, ne sait peut-être pas trop quoi faire. Il y a clairement quelques longueurs. Peut-être cela présage-t-il les fameux temps morts de Oshii, mais ce n'était pas nécessairement bien présenté, et surtout une claire exploitation gratuite de la bande musicale qui se devrait mise à contribution de la suite de la série à la télévision. Le film est tout de même fort sympathique, un excellent divertissement, bien que pas nécessairement inoubliable. Ce spectacle à grand déploiement offre une expérience propre à elle-même, celui qui lui procure une atmosphère un peu spéciale par rapport à la série, preuve d'un film dérivé d'une série fort réussie, ce qui sera d'ailleurs la marque des films d'Urusei Yatsura, ce qui ne sera pas nécessairement le cas des films dérivés des autres œuvres de Rumiko Takahashi. L'épisode 63, Ryunosuke Arrives, I Love the Sea. Cet épisode introduit Ryunosuke et son père, probablement les personnages qui me font le plus rire de la série, malgré la difficulté de prononcer le nom Ryunosuke, pas tellement à cause du concept, mais plutôt de leur personnalité, de leur relation entre eux et de leur interprétation. Ryunosuke a été élevé comme un garçon par son père, qui refuse de reconnaître qu'il est une fille, alors que Ryunosuke ne souhaite qu'une chose, pouvoir afficher sa nature féminine. Mais elle est vraiment très garçon manqué. Son père est clairement un type cinglé. Son but est de faire vivre son ancien restaurant de plage, mais pour vivre et se faire un peu d'argent, les deux tiennent le commerce dans l'école des personnages de la série à vendre le matériel scolaire. Le père est obsédé par la mère. Il refuse de reconnaître que sa fille est une fille. Il exploite sa fille en bien des occasions. Il va détourner sa volonté d'afficher son sexe pour lui faire faire ce qu'il veut. Les deux ont fréquemment des affrontements. Ryunosuke ne réussit vraiment jamais à vaincre son père, ou bien les rares fois que cela semble arriver, ce dernier va exploiter psychologiquement sa fille pour que ce ne soit pas à son désavantage. L'épisode 67, Seeing Shangri-La as a Hell Camp, un épisode sympathique de camping qui se termine en une course. L'épisode 70, Dramatic Appearance, Mizuno Koji Ton-chan. Introduction de Ton, le rival d'enfance de Mendo, et semble-t-il, comme on l'apprend, fiancé de Ryoko, la sœur de Mendo. L'épisode 72, Lumcham, The Ruthless Rebel, un épisode où les personnages de la série font un film étudiant. L'épisode 76, Firefighter Mommy Visits. Introduction de la mère de Ten, une pompière qui prend très au sérieux son travail de lutte contre le feu, au grand dam de son fils qui souhaiterait brûler Ataru. L'épisode 79 de Mendo Family's Summer Christmas. On pourrait sans doute qualifier cet épisode hilarant de production anti-Noël. Ce n'est aucunement un truc sentimental, mais un affrontement absurde en couple pour arriver au sommet d'un sapin géant pour atteindre un banquet. L'épisode 89, Loom and Ataru, A Night Alone. Le titre dit pas mal tout ce qu'il y a à savoir sur cet épisode. L'épisode 91, Document, Who Will Be Miss Tomobiki. Le titre présente aussi ici pas mal le sujet de l'épisode, bien amusant. L'épisode 96, Shine, The Blessed Bra. Cet épisode introduit le dur à cuire chauve avec une lèvre gigantesque, amoureux de Shinobu. L'épisode 97, Duel Benten vs. The Three Doctors. Introduction du trio Sugar, Ginger et Pepper, qui cherche à se prouver en provoquant un affrontement avec le trio Loom, Benten et Oyuki, ce qui donne pour elle toujours un résultat lamentable, un gag plutôt amusant une ou deux fois, mais qui devient très vite gonflant au fur et à mesure de la série. Entre l'épisode 99 et le 100e épisode, sort le deuxième film, Beautiful Dreamer. Le second film est bien meilleur que le premier, qui n'était pas vraiment extraordinaire. Ce second film est sans aucun doute la perle des films basés sur l'œuvre de Rumiko Takahashi. Il me semble par contre beaucoup moins fidèle à l'esprit du manga, ce qui pourrait offenser de nombreux fans, mais je ne crois pas que ce soit le cas vu comment ce film semble unanimement glorifié. Mais en un sens, cela n'est pas tout à fait infidèle, puisque cela rejoint le cœur de la série, à mon avis. Urusei Yatsura use un humour, ma foi, assez burlesque, avec multiples poursuites, quiproquos et coups en pleine poire, en accordant une grande place à son avalissante galerie de personnages aux personnalités bien définies et très caricaturales où règne en maître le gag. Cet humour omniprésent prend tellement de place qu'on peut en venir à oublier le sujet de la série, une parodie des contes, légendes et croyances du Japon, bien souvent déguisée en science-fiction. Eh bien, le folklore nippon est au cœur de ce film, intégré à de la science-fiction et au quotidien des nombreux personnages. L'esthétique japonaise est omniprésente au point qu'elle en devient l'histoire qu'elle a fait avancer, ce qui amène plutôt au second plan, ce qui habituellement est au premier plan de la série, soit les personnages. Mais si les personnages sont relégués un peu au second plan, ils ne sont certes pas oubliés. Quasiment tout l'humour du film vient d'eux, et une connaissance de la série est nécessaire pour pouvoir jouir pleinement du film, car contrairement au premier film, ceux-ci ne sont pas vraiment présentés, on entre immédiatement dans le feu de l'action. Et le second film ne se concentre pas nécessairement, du moins pas autant, sur les mêmes personnages que son prédécesseur. Certes, pas nécessaire de tout voir ou de tout lire, mais le fait d'avoir consommé une partie ne pourrait qu'aider, au minimalement, la lecture d'une présentation de tous les personnages, celle de Wikipédia en anglais semble pas mal. Vous pourriez simplement voir, avant ce film, les épisodes dont je viens de parler. Alors que l'école prépare la venue d'un festival, les personnages habituels se trouvent plongés dans une atmosphère de plus en plus étrange, où le même jour semble se répéter, les limites de la ville devenir inatteignables, des personnages disparaître et le monde changer. Le style est au premier plan du film. On y retrouve un certain esthétique propre au cinéma japonais, en particulier les films de Mamoru Oshii, réalisateur et scénariste ici présent, mais aussi de bien d'autres cinéastes, tels Rintaro, en particulier de son Armageddon, sa partie d'histoire de labyrinthe, et la série vidéo Domun Megalopolis qu'il a supervisé. On y ressent l'atmosphère combien des créations fantaisistes cinématographiques japonaises avec des scènes comme un défilé de gens sans visage qui traversent la rue, les couloirs se répétant à l'infini, le jeu des lumières et d'ombre, quelques temps morts, les visions apocalyptiques, mais est-ce le vin? Pas pour les personnages. J'en étais surpris de ne voir l'iconique cercle d'enfants qui chante. Ce qui semble très étrange pour un dérivé de manga populaire, pour un film aussi commercial, mais justement, c'est pour cela qu'il faut voir ce film. Il ne se contente pas de faire plaisir aux fans, mais de faire un vrai bon film. Une entité à part, une œuvre originale. Peu importe si ce n'est pas fidèle à la forme, puisque ça rejoint le fond et que c'est si bon. Et on comprend parfaitement la suite de la carrière du réalisateur. Bref, c'est excellent. Mais ce ne fut pas au goût de Rumiko Takahashi. Est-ce sa volonté ou le hasard? La série télé a bien vite changé de réalisateur et même de studio d'animation. Plutôt que le studio Pierrot et Mamoru Oshii, le dessin animé a continué chez Studio Deen avec Kazuo Yamazaki à partir de l'épisode 107. Ce qui ne fut pas nécessairement un mal, la série restant amusante et l'animation a continué à s'améliorer, le climat économique et le succès aidant, après tout, les premiers épisodes sont franchement assez moches. Passons donc à l'épisode 100, The Great Vault, Courageous Survival. Mendo et Ataru sont enfermés dans un coffre-fort. Hilarité s'ensuit. L'épisode 102, Sakura Sad Tears of Youth. Exploration de l'enfance de Sakura. Les épisodes 105 et 106, Shramble to the Rescue of Loom, A Fight to the Death, Ataru versus the Mendo Brigade. L'excellent chant-signe de Mamoru Oshii, qui dit son adieu à la série avec cette intrigue en deux épisodes où Loom perd la mémoire et se retrouve chez Mendo, tandis qu'Ataru et le fan-club de Loom vont décider d'aller la sauver. La nouvelle équipe commence avec l'épisode 107, Dimensional Switch Where's Darling, un des divers épisodes de la série qui balance les personnages dans un autre univers pour essayer de créer une ambiance particulière. Un épisode assez moyen pour moi, mais intéressant tout de même. L'épisode 108, Crash, A Lady Ship and the Football of Love. La nouvelle équipe démontre son habileté à reprendre la série avec une très amusante variation du football. L'épisode 111, Deadly Combat, de Mendo Family's Flower Display Deathmatch. Un épisode hilarant sur l'opposition entre Mendo et sa sœur Ryoko mettant en scène une plante monstrueuse. l'épisode 112, Benten and Ryonosuke, Run for the Morrow. Cet épisode présente l'alliance formidable des deux personnages féminins tomboy, Benten, l'extraterrestre motocycliste, et Ryonosuke, la fille élevée en homme par son père. L'épisode 116, Love and War, Battle of Glove vs. Pants, un épisode très amusant sur des vêtements magiques pour faire des lutteurs formidables. L'épisode 118, Great Achievement, The Film of Lumshan's Youth. Un autre épisode sur un film tourné par les personnages. Peut-être un peu moins bien et original que le premier, mais néanmoins très amusant. 122. The Frog's Unrequited Love. L'introduction du personnage que j'apprécie le moins de la série, heureusement pas apparu trop souvent, un petit renard magique qui peut changer son apparence et est amoureux de Shinobu. Les épisodes 132 et 133. Hell Encounter, Armored Girl, Beauty or Beast, Part 1. Love of the Armored Girl, Mendenly Feeling, Reeling, Part 2. Cette intrigue en deux épisodes est l'hilarante introduction de Asuka Mizunokoji, la jeune sœur de Tobimaro ou Tonchan, le rival d'enfance de Mendo. Asuka a été élevée sans jamais voir d'hommes et de garçons et a peur de ceux-ci. Elle s'enfuit rapidement. Elle porte en permanence une armure. On apprend qu'elle et Mendo sont fiancés et le seul homme qu'elle accepte comme étant différent des autres est son frère, créant le gag d'une possible relation incestueuse. 137. Lum's Courageous Duel, An Ironic Victory. Épisode bien amusant où Lum devra faire un combat sans ses pouvoirs, ce qui est trop difficile pour elle qui se repose sur ceux-ci. 138. Job Hunting, Sneaky Returns of the Reject. Le retour de la fille ninja de l'épisode spécial dans une intrigue heureusement différente et bien amusante avec une course. 139. Tomobiki High School Survival, Who Are the Survivors? Une intrigue absurde où Ten brûle les tomates d'étudiants fanatiques de tomates, ce qui va entraîner leur colère envers ce dernier qui va aboutir à ce que Ten enterre l'école et donc que la situation dégénère encore plus. Le troisième film, Remember My Love, est sorti entre les épisodes 140 et 141. Bien des gens semblent trouver ce film moins bien, fait par le nouveau réalisateur de la série. Il va plutôt sembler bien, un bon divertissement. Il va un peu plus que les précédents dans le dramatique, mais cela ne me semble point abusé. Ça ne devient pas trop mélodramatique et l'humour reste présent. Au final, sur la durée du film, il ne se passe pas tant de choses. L'histoire prend du temps à se mettre en place. Les personnages s'en vont dans un parc d'attractions mystérieux, magique. Ataru va se faire transformer en hippopotame et plus grave, Lum va se faire enlever, tout cela provoqué par une malédiction. Après sa disparition, la vie revient à la normale. Ataru redevient lui-même, mais aussi le merveilleux, la folie qui caractérise la série, s'en va. Le film semble vraisemblablement parler du passage à l'âge adulte, mais qu'il ne faut pas passer à côté de son enfance, sa jeunesse, du merveilleux, de la folie qui caractérise la jeunesse, l'importance de l'amitié, de ses sentiments. Le film est sympathique, il est mignon, il propose de bons moments, mais il ne changera pas la vie de personne et ne fera sans doute pas hurler de rire du début à la fin, au point de s'enrouler par terre. 143. From the Far Spring, The Tales of the Lonely Fairy. L'intrigue entre Ataru et une fée des neiges, un épisode très bien. 150. The Armored Girl Returns, Plenty of Older Brothers, un retour bien réussi d'Azuka. 155. First Love Relived, A Return to the Past for Lum and Ray, un retour intéressant sur l'ancienne relation entre Lum et Ray. 157. I Love Darlings, Sincerity. un épisode sur l'amour d'une fillette fantôme envers Ataru, cet épisode permet d'expliquer, pour tous ceux qui ne l'ont pas encore compris, tout l'attrait d'Ataru au-delà des gags. 163. Goodness, words aren't getting to darling. L'épisode utilise une intrigue similaire à l'épisode 44, After You've Gone, mais de manière assez différente et très réussie. 190. Total Chaos, Ranchan Double Doll. Un nouvel épisode sur un outil de vengeance de Ran, mais particulièrement hilarant. Un peu avant la fin de la série, entre les épisodes 191 et 192, sort le quatrième film, Loom de Forever. Ce film fut un échec, ce qui est fort compréhensible, ce qui ne signifie pas nécessairement qu'il est mauvais. C'est clairement le moins accessible de la série. En regardant Urusei Yatsura, on s'attend à rire. Pourtant, ce film contient assez peu d'humour. Il est surtout stylé et complexe. Certes pas avec autant d'habileté que le second, qui réussissait d'ailleurs tout de même à rester un excellent divertissement, mais c'est ce qui prédomine. Le film peut sembler assez incompréhensible par moments, non de par sa complexité, mais de par ses multiples références à un peu tout dans la série, et ce de manière beaucoup plus importante que le second film. Ce quatrième est donc très préférablement à regarder si nous possédons une connaissance relativement étendue de la série. Même voir tous les épisodes que je mentionne pourrait ne pas être suffisant, même je ne suis pas mal sûr que cela suffirait en général. Regardez-les donc! Le sujet du film est en toute logique le passage de l'enfance à l'âge adulte, continuellement évoqué dans le film de manière directe ou indirecte. Le réalisateur a sans doute souhaité faire vieillir son public, entre autres les otaku, comme peut-être un certain Hideaki Anno près de 10 ans plus tard avec la fin originale de la série Evangelion, donc pas le film The End of Evangelion. Mais voilà, ça ne passe pas nécessairement bien avec une comédie pour toute la famille qui se retrouve soudainement pas drôle et pas super compréhensible. La bande habituelle de personnages tourne un film étudiant inspiré du folklore japonais pour lequel ils vont couper un arbre centenaire, ce qui marque le début d'une série d'événements inexpliqués, dont la disparition des pouvoirs de Loom. Loom de Forever ne plaira pas à tout le monde, en particulier à ceux qui veulent simplement rigoler, mais le film demeure tout de même pas si mal. Il est fait très correctement d'un point de vue technique et visuel. Il marche assez bien dans ce qu'il cherche à faire. Il préserve la tradition de qualité des films d'Urusei Yatsura, qui ont toujours autant un caractère distinct, spécial, unique par rapport à la série, manga ou télé. L'adieu à Urusei Yatsura de Kazuo Yamazaki, juste avant la fin de la série télé. 192. Come Quickly Darling, Loom's Dangerous Marriage Talk. Un peu avant la fin de la série de télévision apparaît un nouveau personnage qui ne réapparaîtra que dans l'un des épisodes pour la vidéo, mais c'est tout un personnage. Shingo, un adolescent qui vit dans une jungle électrique, qui a été élevé par une télévision et qui enlève Loom. Le milieu incroyable, le personnage absurde et les relations entre les personnages habituels sont tellement bien exploités que cela fait un épisode exceptionnel. La boîte produisant la série, Kitty Film, veut se lancer dans l'adaptation d'une autre série de Rumiko, Maison Ikkoku, et que toute l'équipe d'Urusei Yatsura, qui en a franchement marre depuis le temps, embarque dans le train, et donc la série télé s'est terminée. Mais il y a eu 2 autres films, et 12 d'épisodes pour la vidéo principalement entre les 2 films. Les 2 premiers OAV sont des montages d'extraits d'épisodes sortis pendant la diffusion de la série de télévision. Le 3e OAV, qui a aussi été diffusé à la télévision à peu près en même temps que sa sortie en vidéo, ce qui pousse à se demander si ce n'est pas un téléfilm, est fort sympathique, adapté d'une intrigue plus longue et marquante que d'habitude du manga. Il a la réputation d'être l'adaptation la plus proche visuellement du dessin de l'auteur. Inaba, de Dreammaker, introduit un garçon en costume de lapin qui travaillent pour d'autres lapins qui entretiennent un monde parallèle où sont les portes qui mènent vers les mondes des divers destins possibles. Ce dernier semble tomber amoureux de Shinobu et surtout va échapper une clé dans notre monde qui va permettre à Shinobu, Ataru, Loom et Mendo de pénétrer dans l'autre monde. Un épisode bien amusant et tout à fait mémorable. Après ce troisième OAV va sortir le cinquième film, The Final Chapter. Comme le titre l'indique, c'est la conclusion de la série, adaptée de la dernière histoire en plusieurs parties, du manga. Et ce film correspond certainement aux attentes que pourrait se lever la fin d'Urusei Yatsura, un très bon divertissement. Le film fait toujours référence aux innombrables personnages et situations précédentes de la série, mais, se concentrant sur la relation entre Loom et Ataru, est fort compréhensible sans trop de connaissances préalables, à la limite une lecture d'une présentation des personnages comme le second film, ou simplement avoir vu quelques-uns des films précédents, quoique ça me semble essentiel d'avoir vu ou lu, ne serait-ce que la première épisode de la série manga ou télé. À la surprise de tout le monde, dont Loom, surgit un fiancé de cette dernière qui va l'enlever. Ataru et ses alliés vont partir à sa recherche, mais la situation va bien sûr dégénérer. Nos héros vont-ils finir ensemble? Ataru aime-t-il Loom? Va-t-il le déclarer à Loom? Ce film fort divertissant nous amène à la résolution de la série, donc film absolument à voir pour quiconque s'intéresse à l'univers de Lamu. Les OAV suivants adaptent quelques intrigues additionnelles du manga. Ils sont plutôt amusants, mais parfois anecdotiques. L'OAV 5, Nagisa's fiancé. Le père de Ryunosuke réussit à lancer son restaurant de plage, mais sur une île déserte, hantée par son ami qui lui a vendu l'île et sa fille qui aurait été fiancée à Ryunosuke. Un épisode hilarant sur Ryunosuke et son père dans une situation fantaisiste fort amusante, observée par l'incontournable quatuor de Ataru, Loom, Mendo et Shinobu. Épisode 6. The Electric Household Guard. Le retour de Shingo, mais très bien utilisé et différemment, ici sur la propriété des Shutaro aux dépens de Mendo, est salé par Ryuko. 8. Guilt and Cheese. Cet épisode n'est pas le premier à utiliser un climat d'horreur, mais sans doute le budget un peu plus élevé des épisodes pour la vidéo aide peut-être à réellement réussir à l'exploiter. Quoique ce qui aide surtout est le style graphique un peu différent, ce qui n'empêche pas l'épisode d'avoir quelques bons gags, au contraire. 9. Catch the Earth. Des bonbons qui pourraient être utilisés comme potion d'amour. Une recette facile pour la série qui va bien sûr dégénérer dans le bordel le plus total, comme Urusei Yatsura en a le don. Puis va sortir un sixième film, Always My Darling. Comment? Ce n'est pas terminé? Ça aurait dû. Après la conclusion, vint un nouveau film pour célébrer les 10 ans du dessin animé d'Urusei Yatsura et accompagner le premier film de Ranma 1/2 en salle. Suite à ce sixième film, l'auteur a décidé de ne plus donner son aval à de nouvelles productions basées sur Urusei Yatsura. Seule exception, l'OAV produit avec des OAV de deux autres séries pour célébrer les 30 ans de carrière de l'auteur et les 50 ans de la revue de Shonen Sunday où la majorité de ses mangas ont été publiés. On a droit ici à une nouvelle histoire originale qui pourrait se positionner un peu n'importe où dans la série, du moins après l'apparition de tous les personnages qui interviennent, ou cette fois-ci c'est Ataru qui se fait enlever. Hélas, l'intrigue n'est pas des plus passionnantes et fait pas mal déjà vu, et surtout le visuel n'est franchement pas terrible. Le nouveau caractère design laisse pas mal à désirer. Les couleurs sont assez moches, l'animation est plutôt moyenne, rien pour attirer l'attention. Les gags ne sont pas vraiment géniaux non plus. C'était clairement la production de trop. Finalement, parmi ce qui entoure l'anniversaire des 30 ans de carrière de Rumiko Takahashi et les 50 ans de Shonen Sunday, sortira le 12e épisode pour la vidéo en 2008. Le personnel enseignant force les étudiants à participer à une course à obstacles vers la piscine, mais les obstacles sont bien sûr totalement exagérés dans cet épisode hilarant. Certes pas le plus original de la série, ça reste explosif, très amusant avec une animation différente mais réussie, qui reste pas mal dans l'esprit de ce qui l'a précédé, aidé par le fait que la quasi-totalité des personnages sont toujours interprétés par les mêmes acteurs vocaux, malgré le fait que cet animé soit recontextualisé à notre époque, les personnages ayant notamment des téléphones cellulaires. Pour ceux qui s'en souviennent, j'ai un système de notes qui est sur 5. Je donne un 5 à un chef-d'œuvre, un 4 à une œuvre qui se démarque particulièrement, un 3 à un divertissement honnête, un 2 à une œuvre moyenne, un 1 à une œuvre mauvaise et un 0 à une nullité absolue, tel que tout ce qui se passe en politique. Et oui, je ne fais plus des blagues sur Trump parce que c'est répétitif à force et aussi parce que ce sera peut-être pas toujours d'actualité. Je l'espère. L'intérêt de la série est très variable d'un épisode à l'autre, mais en se basant seulement sur mes épisodes favoris ou les films, on aurait bien pu donner une note de 4 sur 5 à une série, mais dans les faits, elle se mérite sans doute plutôt un 3. Urusei Yatsura a une licence très amusante par-dessus laquelle on ne devrait pas la passer malgré la quantité peut-être un peu trop forte. Les films, sauf le sixième, sont particulièrement bons. Peut-être devrions-nous faire un épisode du podcast des nous sur Ranma 1,5? Peut-être un jour. On verra ça à demi. Ho ho ho ho ho! À la prochaine. Nous avons hâte de vous revoir. À la prochaine!